بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc mes chers frères, on continue inshallah le charh de Usul al-Thalatha de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab. Donc nous nous étions arrêtés au dernier cours à l'explication donc de la première obligation parmi les trois notions que tout musulman et musulmane doit apprendre et pratiquer dans sa vie. Et ces notions-là ont été citées par le Shir dans la deuxième partie de l'introduction. Donc nous rappelons que le texte se compose d'abord d'une introduction, se composant elle-même de trois parties. La première partie commençant par « I'lam rahimakallah »« Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail » La deuxième « I'lam rahimakallah »« Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma ila akhirih » Ça c'est la deuxième partie. Et la troisième « I'lam arshadakallahu » les ta'ati. Puis ensuite le shir pénétrera donc dans le cœur de son texte qui est al-usul al-thalatha en introduisant par l'expression wa idha qila laka mal usul al-thalatha. Et si on te demande quels sont les trois fondements. Puis ensuite il y a une conclusion qui va traiter certains points comme la foi au jour dernier et anwa al-tawarit, les différents types de tawarit. Donc, Inch'Allah, nous commençons la deuxième notion évoquée par le Cheikh. Donc, le Cheikh dit, Rahmatullahi alayh. الثانية, أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى, وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. سورة الجن. Donc, le Cheikh dit la deuxième. Donc, notion qui est obligatoire pour tout musulman et musulmane à apprendre et à pratiquer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe quelqu'un dans son adoration. Ni un ange rapproché et ni un prophète envoyé. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et les masajid. Volontairement, je le traduis pas car nous donnerons l'explication des savants de masajid. Et les masajid appartiennent à Allah. Fala tad'u, n'invoque pas avec Allah subhanahu wa ta'ala quiconque. Surat al-Jin, verset 18. Donc le Cheikh dit, الثانية, la seconde, أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas que l'on associe à lui quelqu'un dans son adoration. Donc ici le Cheikh dit "Anna Allah la yarda", Allah n'agrée pas. Donc ici le Cheikh confirme la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est ar-rida, qui est l'agrément. Nous allons le traduire nous par l'agrément, la satisfaction. Et ceci est une des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit "Wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Surat al-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous remerciez, il agrée ceci pour vous. Surat al-Zumar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, mes frères, il a confirmé qu'il agrée, donc le remerciement de ses serviteurs. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, donc rejette l'agrément du kufr. Et il dit qu'il n'agrée pas la mécréance donc pour ses serviteurs. Ce qui montre que c'est une qualité qui est en lien avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bil mashi'a. Et la preuve est dans le verset, c'est que Allah agrée parfois et parfois il n'agrée pas subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala donc n'agrée pas quelque chose comme le kufr dans ce verset-là, ceci veut dire qu'il ne le veut pas de manière législative. Il ne le veut pas de manière législative. Et nous avions déjà vu dans des durus précédents que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise donc en deux volontés. Al-irada al-shar'iyya, donc la volonté al-shar'iyya législative, la volonté législative, et al-irada al-kawniyya, la volonté universelle. Et al-irada al-shar'iyya, la volonté donc législative, est en lien avec la mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas quelque chose en le rendant obligatoire, wajib, ou bien recommandé, mustahab, sans qu'il ne l'aime. Allah subhanahu wa ta'ala ne rend pas obligatoire ou recommandé quelque chose qu'il n'aime pas, donc qu'il déteste. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est parce qu'il l'aime subhanahu wa ta'ala, wa yarda, et l'agrée aussi. En revanche, al-irad al-kawniyah, la volonté universelle, cette volonté-là, elle n'est pas obligatoirement toujours donc le reflet de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. Et d'ailleurs, la présence des péchés aujourd'hui sur terre, du meurtre, du shirk, du kufr, de zina, la fornication, est-ce que c'est en lien avec al-irada al-shar'iyah, la volonté législative, ou bien al-irada kawniyah, la volonté universelle? Avec la volonté universelle. Donc s'il y a présence du kufr, il y a présence du shirk, il y a présence des péchés, des kaba'ir, aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas parce que Allah l'a voulu shar'an, de manière législative, c'est parce qu'il a voulu kawniyan subhanahu wa ta'ala de manière universelle. Il a voulu de manière universelle. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas. Ce que Allah ordonne, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et al-rida, l'agrément, agréer quelque chose, ça c'est en lien avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'agrée pas quelque chose qu'il n'aime pas. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, c'est parce qu'il l'aime. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala agrée la prière, c'est parce qu'il aime la prière. Si Allah subhanahu wa ta'ala agrée le jeûne, c'est parce qu'il aime le jeûne. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas le kufr, c'est parce qu'il n'aime pas le kufr. S'il n'agrée pas le shirk, il n'agrée pas az-zina, il n'agrée pas les intérêts, etc. Et tous ces péchés-là, c'est parce qu'il ne les aime pas, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le shirk dit, « Anna Allah la yarda an yushraka ma'a ». Donc Allah n'agrée pas qu'on lui associe quelque chose. Donc Allah n'aime pas le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le shirk. Et donc le shirk ici, il est rejeté par quelle volonté, la législative ou l'universelle? La législative, pas l'universel, parce qu'il est présent, le shirk, aujourd'hui dans le monde. Sa présence, donc c'est parce que Allah l'a voulu. Allah l'a voulu, mais donc si on s'arrête comme ça, on peut s'arrêter et dire Allah l'a voulu, point. Mais il faut comprendre que c'est sa volonté universelle et non pas législative. D'où la réponse à certaines personnes ne faisant pas cette différenciation et disant, mais pourquoi alors il y a des guerres dans le monde? Pourquoi il y a des meurtres? Pourquoi il y a du kufr si Allah existe? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut de manière universelle, c'est toujours en lien avec sa sagesse, sa hikma. Allah a voulu qu'il y ait le kufr, Allah a voulu qu'il y ait le shirk, Allah a voulu qu'il y ait des guerres, des meurtres, etc., zina, la fornication, de manière universelle, pour une hikma que lui connaît, pour une sagesse que lui connaît, subhanahu wa ta'ala. Donc la définition du shirk, car le shirk dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe quelque chose. Donc il faut que le musulman connaisse la définition du shirk. Car le musulman doit éviter ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas et n'aime pas. Et notamment cette notion-là, qui est le plus grand des péchés. Donc connaître le shirk, ça c'est quelque chose d'important. Donc on va le définir. Et comme nous avons dit, la définition du shirk doit être une définition législative, tirée du Coran, de la Sunna et de la compréhension des salafs rahmatullahi alayhi. Mais nous commençons par la définition du shirk dans la langue, car ça va nous permettre de voir le lien intime qu'il y a entre sa définition dans la langue et sa définition shar'iyya, donc législative. Idhan al-shirk fi al-lugha. L'associationnisme dans al-lugha, al-shirk, c'est an-nasib. An-nasib, qui veut dire la part. Qui veut dire la part. Yuqalu ashraka zaydun. Amara fi malihi ay ja'ala lahu nasiban. On dit Zayd a associé Amr dans son argent, ashraka Zaydun Amran fi malihi, ça veut dire qu'il lui a donné, il a associé dans une part de son argent. Ah, dans le sens donc shar'i, législatif, an yuj an taj'ala lillahi niddan fil uluhiyyah ou fil rububiyya ou fil asma'i was sifat. C'est, comme nous l'avons défini dans le cours dernier, c'est donc de donner un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité, al-uluhiyya, ou bien dans sa seigneurie, al-rububiyya, ou bien fil asma'i was sifat, dans ses noms et ses attributs. Donc le shirk, mes frères, est le contraire total du tawhid. Tout comme le tawhid se divise en trois catégories, le tawhid, donc dans la seigneurie, puis le tawhid dans la divinité, et enfin le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même le shirk peut se trouver dans ces trois catégories. Le shirk dans la rububiyya, donc dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la seigneurie, ou bien dans al-uluhiyya, la divinité, ou bien dans l'asma'i wa sifat. Et le shirk dans une des catégories suffit pour que l'acte soit qualifié de shirk, l'acte, la parole ou bien la croyance. Alors que le tawhid, il faut que les trois parties soient réunies. Le tawhid al-rububiyya tout seul, ce n'est pas un tawhid shar'i. Tawhid al-uluhiyya tout seul, quelqu'un n'adore qu'Allah, mais fait défaut dans la rububiyya. Il dit qu'il y a un autre créateur avec Allah. Mais ce deuxième créateur, je ne l'adore pas. J'adore que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et mes prières ne sont que pour Allah. Et mon jeûne n'est que pour Allah. Mon pèlerinage n'est que pour Allah. Tout ce qu'il dit et fait, se fait seulement uniquement pour ce créateur-là, Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il croit en un deuxième créateur. C'est un mouahid, un musulman? Non, c'est un kafir. Car le tawhid législatif doit réunir les trois partie qui le compose, donc dans la seigneurie, la divinité, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, le shirk, l'apparition du shirk dans une des catégories suffit pour donc éteindre le tawhid dans ses trois composantes, donc dans sa totalité. Que ce soit le shirk dans la seigneurie, donc en attribuant la qualité de créer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de donner la subsistance à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de donner la vie, la mort à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quelqu'un comme Quraysh, comme le peuple de Quraysh, ne fait pas le shirk dans le Rububiyya à la base, mais dans l'Uluhiyya en prenant des intermédiaires. Ça aussi, c'est donc du shirk akbar, annulant le tawhid dans sa totalité, ou bien dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk, donc il est de catégories, le petit shirk et le grand shirk. Et ça, je vais le développer, Inch'Allah, en vous lisant une fatwa qui est très importante et intéressante de Al-Lajnat Da'ima, donc du conseil permanent de la recherche et de la fatwa d'Arabie Saoudite, qui est donc la réponse à la première question d'une fatwa, donc qui se composait de plusieurs questions, et qui est la réponse à une première question donc d'une fatwa qui est au numéro 1653. Et vous pouvez la retrouver dans le site Al-Ifta. Donc le conseil qui était composé de Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahmatullah alayh et de Abdullah ibn Rudayyan, Abdullah ibn Qa'oud rahmatullah ala al-jami' et de Abdelrazzaq Afifi rahmatullah alayhim. Il leur a été posé cette question là: mal farq bayna shirk al-akbar wal asghar min haythu at-ta'rif wal ahkam. Quelle est la différence entre le grand shirk et le petit en termes de définition et en termes de règles, donc qui sont conséquentes à ces deux formes de shirk. Je ne change pas les expressions, mais je vais la résumer. Donc ils disent, le conseil a dit, rahmatullah ala les composants de ce conseil-là, ash-shirku al-akbar an yaj'ala al-insanu lillahi niddan imma fi asma'ihi wa sifatihi fayusammihi bi asma'i llahi wa yasifuhu bi sifatihi. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الأعراف. Donc ils ont répondu en disant que le shirk, le grand shirk, c'est lorsque la personne donc donne à Allah subhanahu wa ta'ala un équivalent. Soit, donc là ils vont donner les composantes du grand shirk. Et cette fatwa, elle est, subhanallah, très bien faite et très importante, inshallah, à comprendre, inshallah, et à intégrer. Ils ont dit donc soit. Donc ici, on entre dans la première catégorie, il va y en avoir trois, du shirk al-akbar, du grand shirk. Soit dans ces Donc il donne un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans ses noms et ses attributs. Donc il nomme un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il qualifie autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est à Allah qu'appartient les beaux noms. Invoquez-le par ceci. Et délaissez ceux qui font preuve de déviation dans ces noms. Ils seront récompensés de par ce qu'ils faisaient. Et donc ils disent toujours, le conseil dit, ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك. Et parmi al-ilhad, donc la déviation, al-ilhad dans la langue arabe c'est la déviation. Mais al-ilhad, al-maylu fi shay, c'est la déviation dans quelque chose. Donc c'est faire dévier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les utiliser autrement que comme il se doit. Donc al-ilhad dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi donc al-ilhad, c'est nommer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec un nom qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nommer quelqu'un ar-Rahman, matal. Nommer quelqu'un Allah. Nommer quelqu'un Ar-Razzaq, nommer quelqu'un par un nom qui fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont spécifiques à lui seulement et uniquement. Ou bien qualifier autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par une qualité qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme, مثلاً, عالم الغيب والشهادة. Allah يعلم الغيب. Allah connaît l'invisible. Celui qui qualifie quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa langue ou par ses actes, donc, comme étant quelqu'un qui connaît l'invisible, il a fait un grand associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quel domaine? Dans ses noms et ses attributs. Donc ça, c'était la première catégorie. La deuxième, وَإِمَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ نِدًّا فِي الْعِبَادَةِ. Ou bien qu'il donne un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc la première catégorie n'était pas en lien direct avec l'adoration. Quelqu'un peut attribuer la connaissance de l'invisible à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans pour autant vouer des actes à cet individu. Ici, ils disent, ou bien qu'il donne un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. يَدَّرَّعُ إِلَى غَيْرِهِ تَعَالَى مِنْ شَمْسٍ. Donc, il se soumet et il adore quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le soleil, أَوْ قَمَرْ, ou bien la lune, أَوْ نَبِي, ou bien un prophète, أَوْ مَلَك, ou bien un ange, أَوْ وَلِي, ou bien un pieux, un saint. مثلاً بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه أو استعانة في جلب مصلحة أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك مما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. Donc ils disent, ou bien qu'ils donnent un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc en l'adorant, que ce soit un soleil, ou bien la lune, ou bien un prophète, ou bien un ange, ou bien un saint. Par exemple, en se rapprochant donc à ces choses-là qui ont été citées précédemment, et ce qu'ils ont cité, c'est qu'en termes d'exemple, il peut y avoir une infinité de traductions du shirk dans la ibad. Donc en se rapprochant par un acte comme la prière, ou bien en demandant secours dans une situation difficile, et l'istiratha, on verra. L'istiratha, quand est-ce que c'est du shirk akbar ou pas, on le verra plus tard dans Al-Usul al-Thalatha. Aw makruh, ou bien demander secours dans quelque chose pour sortir d'une situation donc détestable, ou bien al-isti'ana bihi fi jalbi maslaha, demander de l'aide pour obtenir un bien, ou bien invoquer un mort, ou bien quelqu'un qui est absent, qui n'est pas ici, présent, donc qui est dans une autre contrée, un autre pays, et qui nous entend pas à la base. Donc faire une demande à cette personne-là, c'est quelque chose qui fait partie de la ibadah interdite. Donc la dua de quelqu'un qui est absent, litafriji korba, afin qu'il nous sorte donc d'une situation affligeante, au tahqiq matloub, ou bien pour réaliser une demande, au nahwi dhalika mimma huwa min khasa'is illah, ou bien toute autre adoration qui fait partie des choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces choses-là demandent détail, on le verra dans le Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, Ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayh, va, inshallah, citer les différentes sortes d'adoration. Un certain exemple d'adoration que l'on doit vouer seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous expliquerons quand est-ce que al-isti'ana est ibada et n'est pas ibada, l'istiratha, quand est-ce qu'elle est ibada ou pas ibada, on l'expliquera. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى دي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله دي à la fin de sourate Al-Kahf, verset 110, dit: je ne suis qu'un être humain comme vous et je reçois une révélation. إنما إلهكم إله واحد, votre divinité est un Dieu unique. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse donc des bonnes actions et qu'il n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Donc ici, le conseiller de la fatwa a traité deux formes de grand shirk. Le premier, dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, dans la ibada. Il reste quelle catégorie de tawhid ? Al-Rububiyya, dans la seigneurie. Donc ils disent وَإِمَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا فِي التَّشْرِيعِ, ou bien qu'il donne un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans التَّشْرِيعِ, dans la législation. Mais regardez, observez, subhanallah, que le conseil de la fatwa, il a traité donc le shirk akbar qui va à l'encontre de tawhid al-asma wa sifat, donc le shirk dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, et ils ont donné plusieurs exemples, et ils ont gardé une généralité qui te permet donc de raisonner sur toute forme de shirk à ce niveau-là. Puis ils ont parlé de shirk al-ibada, shirk al-ibada. Et ils t'ont donné aussi différentes formes donc d'adoration, que si elles sont vouées à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont de l'ordre du shirk akbar fil ibada. Puis, ici, observe, lorsqu'ils sont arrivés au shirk dans Ar-Rububiyyah, ils n'ont pas cité un shirk comme par exemple dire qu'il y a un autre créateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dire que Allah subhanahu wa ta'ala a des enfants ou a des parents ou autre. Car ce shirk-là, bien qu'il existe, et il est même présent, subhanallah, dans le Coran, mais ça fait partie, wallahu a'lam, du fiqh de la lejnette da'ima. C'est que c'est des gens qui sont au rendez-vous avec leur époque. Et on a déjà cité que Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh a profondément traité le sujet de tawhid al-asma wa sifat, car il était entouré des Asha'ira qui justement font le ta'wil, donc des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils interprètent, donc dévient le sens des qualités et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme c'était un homme qui avait fiqh al-waqi', qui comprenait le monde dans lequel il vivait et qui comprenait que sa da'wah, elle doit, incha'Allah, bi'iznillah azza wa jal, aller à l'encontre des bida'a et des khurafats qui sont présentes à l'époque, des innovations présentes à l'époque, il a agi de la sorte. De même, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab. Là, de même, lorsqu'ils ont abordé Tawhid al-Rububiyyah, n'ont pas dit, et parmi le shirk al-Rububiyyah, dire qu'il y a un autre créateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que des musulmans aujourd'hui prétendent ça? Est-ce que des gens se prétendent musulmans et disent qu'il y a un deuxième créateur? Est-ce que des gens se prétendent musulmans et disent que Allah est le troisième de trois, que Isa est le fils d'Allah ou autre, ou que Allah subhanahu, que les anges sont les filles d'Allah comme l'ont prétendu certains, et Allah a démenti cela dans le Coran? Non, beaucoup de gouverneurs et la majorité aujourd'hui font du shirk akbar dans la législation. As-sultat tashri'iyya li-sha'b. En appliquant la démocratie dans leur pays, qui à la base est donc donné le commandement au peuple. Alors que al-hukm lillahi wahdahu la sharika lah. La gouvernance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul, unique, sans associé subhanahu wa ta'ala. Donc regarde le fiqh de cette lejna, ils ont abordé le shirk dans tawhid al-rububiyyah par le shirk dans tashri'. Donc ils ont dit wa imma an yaj'ala lillahi niddan fi at-tashri', ou bien qu'il donne un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. بِأَنْ يَتَّخِذَ مُشَرِّعًا لَهُ سِوَ اللَّهِ أَوْ شَرِيكًا لِلَّهِ فِي التَّشْرِيعِ يَرْتَدِي حُكْمَهُ وَيَدِينُ بِهِ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ عِبَادَةً وَتَقَرُّبًا وَقَضَاءً وَفَصْلًا فِي الْخُصُومَاتِ أَوْ يَسْتَحِلُّهُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ دِينًا وَفِي هَذَا يَقُولُ تَعَالَى فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون سوره التوبه. Donc en troisième catégorie en lien avec tawhid al-rububiyya, donc le conseil donc explique al-shirk fi al-rububiyya, donc qui est la troisième catégorie, en disant ou bien qu'il donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala un équivalent dans la législation, en prenant un législateur pour lui en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier cas. Qu'il prenne un autre législateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple dans sa constitution, il marque que la législation prend source de manière totale dans l'opinion du peuple, ou bien que c'est l'Assemblée qui se concerte et émet les lois sans revenir au Coran et à la Sunna. Ça, c'est un premier shirk akbar. Riddatun indinillahi azza wa jal, c'est une apostasie claire. Deuxième cas, ils disent أو شريكا لله في التشريع يرتدي حكمه, ou bien qu'il prenne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il prenne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. D'où le kufr encore de certains gouvernements qui disent, dans leur constitution, les lois sont majoritairement prises donc de l'islam. Ils disent pas le Coran et la Sunna, ça tu trouves pas ces expressions-là dans les constitutions souvent. Ils disent de l'islam. Et le fait donc de prendre donc le Coran et la Sunna donc comme juge et comme source de législation dans une partie du din est aussi du kufr akbar et du shirk akbar, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ, est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez à une autre partie. Donc ici le conseil apporte bien ces deux cas, soit qu'ils prennent donc un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation de manière indépendante, ou bien qu'ils prennent un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Yartadi hukmah, il accepte donc ses lois, wa yadinu bihi, et il s'y soumet, fi tahlil wa tahrim, dans ce qu'il rend licite et dans ce qu'il rend illicite. Ibadatan, donc par adoration, wa taqarruban, et en se rapprochant, donc pas d'Allah, de lui. Parce qu'il y a certains, ils vont te dire, ouais, mais ils font ça dans un sens de dunya. Ils te disent pas que cette loi, elle vient d'Allah. Bien, ils ne te disent pas qu'ils se rapprochent d'Allah par ces lois qui ne sont pas des lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, le fait qu'ils se rapprochent à son législateur. Ils se rapprochent à son législateur. Donc, que ce soit l'Occident, ou bien que ce soit les démocrates, ou bien les laïcs, il applique ces lois-là pour se rapprocher de ces gens-là. Donc, c'est quelqu'un qui adore ces gens-là. Et qui les a pris comme associés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc dans la législation, s'il légifère dans certains domaines par Allah et son prophète alayhi salatu wasalam, et dans d'autres avec les lois donc d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il les a pris comme divinité de manière totale et absolue si jamais il applique seulement uniquement ces lois-là. Wa faslan fil khusumat, et qu'il les prend aussi donc pour trancher dans les sujets de dispute. Aw yastahilluhu, ou bien qu'il dit c'est halal. Donc de légiférer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien d'appliquer donc d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa in lam yarahu dinan, même si il ne voit pas cela comme étant quelque chose de religieux. Donc par lequel il se rapproche de ceux qui légifèrent. Wa fi hadha yaqulu ta'ala, et dans ceci Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des juifs et des chrétiens, donc ils ont pris leurs moines, leur personnalité religieuse, donc arbaban, comme Seigneur, min dunillah, en dehors d'Allah, wal Messie ibn Maryam, ainsi que le Messie fils de Marie, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah seul, Il n'y a de divinité que lui. Subhanahu amma yushrikun. Gloire et pureté à lui par rapport à ce qu'ils associent. Surat al-Tawba, verset 31. Donc je continue dans la fatwa du conseil. فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده من عن ملة الإسلام. Donc ces trois catégories-là sont le grand shirk par lequel celui qui les fait apostasie ou bien celui qui croit à ceci. Cette personne-là sort de l'islam par ces trois catégories de shirk. Mais il n'y a pas donc dans le shirk en lien avec la rububiyya que la législation. Il n'y a pas que cette expression du shirk dans la rububiyya. Celui qui dit il y a un autre créateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un shirk dans la rububiyya. Mais les chouyoukh ont traité ce point-là parce que c'est fitnatul asr, comme on dit certains. Ça c'est le point aujourd'hui, c'est la fitna de notre ummah ça. Et le pire c'est qu'on trouve des gens défendant cela et voulant à tout prix chercher les mutashabihat, les choses ambiguës dans le Coran et la Sunna pour pouvoir faciliter aux gouverneurs et aux gens de légiférer par d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le conseil dit fala yusalla alayh. Donc celui qui meurt dans cet état-là, on ne prie pas sur lui, idha mat, s'il meurt. ولا يدفن في مقابر المسلمين, on ne l'enterre pas dans les cimetières musulmans. ولا تؤكل ذبيحته, et donc la bête qui l'égorge ne peut être mangée, n'est pas licite. ويحكم بوجوب قتله, et il est statué de l'obligation de l'exécuter. ويتولى ذلك ولي امر المسلمين, et celui qui fait ça, donc c'est pas moi et toi comme ça dans la rue, hein, t'exécutes quelqu'un qui a apostasié, non mon cher frère, c'est donc le gouverneur musulman qui prend cette responsabilité-là. Illa annahu yustatab qabla qatlihi. Sauf que on lui demande quand même de se repentir, donc avant son exécution. Fa in taba qubilat tawbatuhu. Si jamais il se repentit, son repentir est accepté. Wa lam yuqtal. On ne le tue pas. Wa umila mu'amalat al-muslimin. Et on se comporte ensuite avec lui, comme on se comporte avec les musulmans, car il est musulman. أما الشرك الأصغر كانت petit شرك فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. Tout ce qu'a interdit donc la législation et qui est donc une voie menant au grand shirk. Le petit shirk, c'est tout ce que a interdit la législation et qui est une voie au grand shirk et qui a été nommé donc dans les textes comme étant du petit shirk. Comme par exemple, jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci peut être une cause, donc c'est quelque chose qui va amener à tomber dans le grand shirk. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam l'a interdit. Ibn Omar radiallahu anhuma a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa salam a dit « Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak » Celui qui a juré par autre qu'Allah a fait de l'associationnisme. Le hadith est rapporté par Ahmed al-Tirmidhi al-Hakim avec une bonne chaîne de transmission. Mais est-ce que le shirk ici c'est du grand shirk, donc annulant le tawhid de manière totale et absolue et faisant sortir l'individu de l'islam? Celui qui dit, qui jure par la Mecque, qui jure par la tête de sa mère ou autre, est-ce qu'il sort de l'islam? La base non, c'est que c'est du petit shirk. Mais si pour lui il jure par la tête de sa mère parce que sa mère est une divinité et il jure donc par la tête de sa mère, là c'est du kufr. Akbar qui sort donc, c'est du shirk akbar qui sort la personne donc de l'islam. Mais à la base, al-hilfu bi ghayrillah, juré par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du petit shirk. Ensuite, ça peut devenir du grand shirk, et là on conditionne la aqidah de la personne par rapport à celui par qui il jure. Si jamais il jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parce que cette personne-là, cet individu-là, cette chose-là, cet objet-là est une divinité, il lui attribue des qualités donc divine, là c'est du shirk akbar. ومن أمثلة ذلك الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها كأن يطيل الصلاة أحيانا ليراه الناس أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانا ليسمعه الناس فيحمدوه. Et parmi les exemples encore, ils disent donc du petit shirk, c'est la petite ostentation dans les actes d'adoration et les paroles d'adoration. Comme par exemple celui qui allonge sa prière de temps en temps afin que les gens le voient, ou bien qu'il lève sa voix lorsqu'il récite le Coran ou bien qu'il fait le dhikr afin que les gens le voient et qu'il le loue. Ce qui ne veut pas dire que toute personne levant la voix pendant la récitation du Coran est en ostentation, non. Mais il était par exemple en train de lire à voix basse et quelqu'un est entré, alors il lève la voix. Alors à ce moment-là, il lève la voix. Ça entre dans Ar-Riya. Donc il fait ceci afin que les gens fassent ses éloges. L'imam Ahmed rahmatullah alayhi a rapporté avec une bonne chaîne de transmission selon Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar ar-riya." Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith: "Ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit shirk." Et il a défini ensuite le petit shirk, le prophète alayhi salatu wa sallam, en disant l'ostentation. Ce qui ne veut pas dire que le petit shirk est seulement l'ostentation. Donc parmi les formes de petit shirk, il y a l'ostentation. Ces actes-là sont du petit shirk pour celui qui est à la base, donc fait naître l'acte pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis vient greffer de l'ostentation par-dessus cette niya qui est à la base pour Allah subhanahu wa ta'ala, en embellissant sa voix, en allongeant sa prière ou autre. Un deuxième cas, donc, que le conseil explique ici. Et disent, أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركا أكبر وهو من المنافقين. Ils disent, si jamais, donc, il ne fait l'adoration à la base que par ostentation. Et si jamais, donc il n'y avait pas cette cause ostentatoire, il ne ferait pas l'adoration. Donc il ne prierait pas, il ne jeûnerait pas, il n'évoquerait pas Allah, il ne lirait pas le Coran. C'est un mushrik, un associateur, shirkan akbar, de grande association. Wa huwa min al-munafiqin, et il fait partie des hypocrites, alladhina qala Allahu fihim, dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit: innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les hypocrites yukhadi'un, donc veulent tromper Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa khadi'uhum, et lui les trompe. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala, et lorsqu'ils se lèvent donc à la prière, ils se lèvent par paresse. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, et ils font de l'ostentation donc envers les gens et n'évoquent Allah subhanahu wa ta'ala que très peu. Donc cela, s'il n'y avait pas les croyants à Médine en position de force, ils ne prieraient pas. Donc ce sont des koufars intérieurement, mais extérieurement ils pratiquent l'islam. Pourquoi? Parce que les musulmans sont en position de force. Si cette force disparaît, donc lorsqu'ils rejoignent leurs frères mécréants, et que donc cette suprématie musulmane disparaît, leur kufr réapparaît. Donc avec les mécréants, ils extériorisent le kufr intérieur qu'ils ont par les actes des mécréants. Donc ils arrêtent la prière, ils arrêtent de jeûner, ils arrêtent d'évoquer Allah, etc. Et quand ils sont avec les musulmans, ils sont toujours bien sûr mécréants intérieurement, et extérieurement, ils ont donc les actes des musulmans, mais qui ne leur serviront à rien dans l'autre monde, car Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'intérieur. Mais dans ce bas monde, leur sang et leur argent est protégé, car nous jugeons l'extérieur. Donc ceci, c'était concernant le petit shirk et le grand shirk. Inch'Allah, cette fatwa est importante, Inch'Allah, à réécouter et à essayer de la comprendre. Bi-iznillah. Donc le cheikh a dit al-thaniya anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahad fi ibadatihi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe quelque chose dans son adoration. Donc ici une question peut être posée, on y a répondu, c'est que le cheikh a dit Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe quelqu'un dans son adoration. Est-ce que ça veut dire qu'il agrée qu'on adore qu'autre que lui? Car l'associationnisme à la base, donc chez les gens de Quraysh, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et aussi avec donc des idoles. Et ils disaient qu'ils se rapprochent d'Allah par l'intermédiaire de ces idoles-là. Mais celui qui adore qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et donc ne voue aucun acte à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ceci l'agrée? En apparence, l'expression du shirk laisse penser cela, mais ce n'est pas ce que veut dire le shirk, bien sûr. Donc, si ici, on cite qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on associe quelqu'un à son adoration, donc de manière encore plus prioritaire, vouer un culte exclusif à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est encore moins agréé. Le shirk a dit, donc, fi ibadati, dans son adoration. Qu'est-ce que al-ibada? Al-ibada, donc, fil l'ura, dans la langue arabe, ma'khudhun min at-tadhalluli wal-khudu'. يقال طريق معبد أي مذلل يعني وطأته الأقدام وذللته بكثرة المشي عليه. Donc العبادة dans la langue arabe c'est pris de التذلل qui est l'humiliation والخضوع le rabaissement. On dit que une route est معبد طريق معبد c'est une route donc qui est aplanie qui a été aplanie par les pas des gens. Dans le shara, la ibada, quel sens elle a? Donc elle a deux sens. Le premier sens, c'est le sens lorsque l'on prend en considération le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un adore Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'adoration ici qui est son acte d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, son acte, son action d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, al-masdar. Je vous parlais des noms d'action. La sortie des élèves. Je vois des enfants passer la porte. Je dis, c'est la sortie des élèves. Leur acte de sortir. Là, son adoration, c'est son acte d'adorer. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on définit par ça, al-ibada, donc dans le sens masdari, du nom d'action, on dit là que c'est التذلل, donc l'humiliation, والخضوع et le rabaissement لله بالطاعة pour Allah subhanahu wa ta'ala avec donc l'obéissance et avec l'amour aussi. Ça c'est un shart qu'il y ait l'amour. Donc c'est le rabaissement et l'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala avec amour par donc des actes. Et lorsque l'on définit l'adoration par les représentations de cette activité qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la définition de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi qui est une très bonne définition dans laquelle il dit ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali adh-dhahirati wal-batinah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali adh-dhahirati wal-batinah. C'est un nom rassemblant tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée en parole et acte apparent ou caché. Donc ce sont toutes les obéissances. Qu'a dit le shir? C'est un nom rassemblant tout ce que Allah aime. Tout ce que Allah aime et agrée. Min al-aqwal, en parole. Qu'est-ce qu'il y a comme parole? Il y a les paroles de la langue et les paroles du cœur. Donc les croyances du cœur, Allah les aime. Celle qu'Allah a aimée, c'est une ibada. Croire en l'unicité d'Allah, c'est une ibada. Croire à l'existence des anges, c'est une ibada. Croire au prophète, alayhi salatu wasalam, c'est une ibada. Ça, c'est une parole, ça, du cœur. Et la parole de la langue, ashhadu an la ilaha illallah, Allah aime ça. Subhanallah, Allah aime ça. Alhamdulillah, Allah aime ça. Donc là, on a donné un exemple d'acte caché, non pardon, de paroles cachées qui sont les paroles du cœur et de paroles apparentes qui sont les paroles de la langue. وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ et aussi les actes cachés qui sont les actes du cœur, amour, crainte, tawakkul, inaba. Donc tout ça, ce sont أَعْمَالُ الْقُلُوبِ, ce sont des actes du cœur. Allah aime l'amour en Allah. Allah aime l'amour des croyants. Allah aime la haine des kuffars. Allah aime la haine du kufr. Car Allah l'a ordonné. Et Allah n'ordonne que ce qu'il aime. Donc ça, ce sont des actes du cœur. Puis il y a les actes du corps. Ce sont la prière. Allah aime la prière car il a ordonné et l'agréé. Allah aime le jeûne car il a ordonné et l'agréé, etc. Donc, al-ibada, nous avons dit que ça renvoie à ce que Allah aime et agrée. Ce que Allah aime et agrée, c'est quelque chose que l'on peut atteindre simplement comme ça par la raison. Qu'est-ce qui nous permet de dire Allah aime cet acte, Allah n'aime pas cet acte? Al-Wahi, le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est pour ça qu'on dit Al-Ibadah tawqifiyah. La Ibadah est soumise au délil. On ne peut pas faire un qiyas. La Ibadah, elle s'arrête donc au Coran, verset du Coran, au Hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, ou bien Al-Ijma', le consensus donc de la Ummah. Mais le qiyas, le raisonnement analogique, n'entre pas donc dans Al-Ibadah. Donc le cheikh a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe quelque chose dans son adoration. La malakun muqarrab, ni un ange rapproché, wa la nabiyun mursal. Pas un ange rapproché et ni un prophète envoyé. Le cheikh a cité ici donc deux catégories de créatures qui sont des catégories donc qui sont respectées et appréciées chez le commun des gens. Les anges, car ils sont purs, ne font pas de péché, obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il leur ordonne. Ils sont rapprochés, ils ont une haute position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait que certaines personnes peuvent être amenées à faire du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en associant les anges à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la nabiyun mursal, et ni un prophète envoyé. De même, les prophètes ont un statut spécifique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et sont vénérés, respectés par la majorité des gens, ce qui fait qu'il y a aussi risque de shirk. Et le shirk, donc, a cité ces deux catégories, pas en voulant insinuer qu'il n'y a pas de troisième catégorie. Non, le shirk est quasiment infini dans ces expressions. Mais il a cité ces deux catégories-là, car de par leur pureté, leur rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne méritent pas d'être associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'agrée pas l'association d'un ange ou d'un prophète à lui-même. Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas donc l'association d'un ange ou d'un prophète, de manière plus prioritaire, il ne va pas agréer qu'on lui associe quelque chose qui n'est pas du statut d'un ange ou bien d'un prophète. Wa dalil qawluhu ta'ala, et la preuve de ceci, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Jin, verset 18, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et al-masajid appartient à Allah. Al-masajid, il y a deux paroles chez les mufassirin, la majorité disent que c'est les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pluriel de masajid, hein, qui veut dire mosquée. Et d'autres disent al-masajid, c'est a'da as-sujud, ce sont les membres sur lesquels on se prosterne. Ou bien as-sujud lui-même, la prosternation elle-même. Allah dit wa anna al-masajida lillah. Donc les masajid, les mosquées appartiennent à Allah. Ou bien les membres de prosternation appartiennent seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-masajid ici, quel que soit le sens qui est accepté, ceci renvoie donc au tawhid dans la ibada, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la ibada. Pourquoi? Parce que al-masajid, ce sont des endroits qui sont construits, les mosquées, ce sont des endroits qui sont construits pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même si on explique al-masajid ici par les mosquées, il faut comprendre que donc les œuvres qui sont dans les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on prendra en considération pas seulement l'endroit, mais aussi ce qui est fait dans l'endroit et pourquoi l'endroit a été construit. Et si on prend comme explication les membres du sujoud, donc le sens est clair. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoque pas avec Allah subhanahu wa ta'ala qui que ce soit. الدُعَاء, l'invocation, donc dans le dîn, a deux sens. دُعَاء الْعِبَادَةِ, l'invocation d'adoration, wa du'a ul mas'ala, l'invocation de demande. Du'a ul ibada, on appelle ça du'a, l'invocation d'adoration, ce sont toutes les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. As-salat, c'est du'a dans le sens du'a ul ibada. C'est une invocation dans le sens invocation d'adoration. Le jeûne, c'est une invocation dans le sens invocation d'adoration. Le dhikr, c'est une dua dans le sens dua ibada. Pourquoi? parce que l'état de la personne indique qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il demande? Son agrément, le paradis, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une demande par al-hal, par ton état. Puis il y a ensuite la dua, donc dans un sens plus spécifique, et dua ul-mas'ala, la dua de la demande, qui est la dua, donc qui est une demande précédée par la conjonction ya, par le mot ya, l'expression ya, ô toi, ô Allah, ou bien Allahumma. Ya Allah, a'tini kada. Ya Allah, a'tini waladan. Ô Allah, donne-moi un enfant. Ça, c'est dua al-ibada ou bien dua al-mas'ala? Les deux. C'est les deux. C'est dua al-ibada, parce que dua al-ibada, c'est toutes les adorations. Donc ça rentre dans dua al-ibada. Mais c'est dua al-mas'ala dans le sens spécifique. Donc dua al-mas'ala, dua al-mas'ala, c'est la dua dans le sens communément connu par les musulmans. Et dua al-ibada, c'est la dua, donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ici dit فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Donc les deux sens peuvent être, sont acceptables. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.